France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Mediapart ou l'indépendance en bandoulière. Mediapart, c'est l'histoire d'un site d'information qui débarque dans le paysage médiatique au moment même où la plupart des grands groupes de presse se jettent dans les bras du CAC 40. Question de survie, certes, pour cette presse, mais pour l'indépendance, on repassera. Une époque également où l'information se donne sur Internet, ne s'achète pas. Concurrence déloyale pour les médias traditionnels. C'est donc au cœur de cette mutation que s'inscrit Mediapart en 2008, année de sa création. Aujourd'hui, tout le monde connaît le site, incarné par la figure du journaliste Edoui Plenel. Chaque politique, chaque personnalité du monde des affaires qui reçoit un coup de fil de l'un de ses journalistes, sait qu'un article sur son compte peut briser une trajectoire professionnelle. L'affaire Cahuzac, par exemple, ou du moins la compromettre. L'affaire Sarkozy-Gaddafi, l'affaire Bettencourt, les révélations d'Adèle Haenel. À droite, à gauche, Mediapart se penche sur tous les cas dès lors qu'un faisceau d'informations dûment vérifié converge. Ainsi, en 16 ans, le site est devenu le symbole de la presse libre. Dès le départ, d'ailleurs, le slogan choisi affichait la couleur « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». Notre invité aujourd'hui est Louis Plenel, cofondateur de Mediapart et actuel directeur de la publication. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Marjolaine Corr, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Si vous considérez que le modèle d'indépendance de la presse, c'est Mediapart, dans ce cas-là, je suis assez inquiet pour la démocratie française. Rassurez-vous, le compte économique de Mediapart réglera assez vite ce problème, puisque le modèle choisi par Edoui Plenel est un modèle absurde. La presse sur le net ne peut être que gratuite. La presse payante sur le net ne peut pas marcher. Signé Alain Minc, un homme pourtant capable de brillance, mais qui, comme d'autres à l'époque, se trompe lourdement. D'ailleurs, qui se souvient de cette époque pas si lointaine où la presse était gratuite sur Internet? Et de l'époque où un ovni débarque, Mediapart, avec la volonté de faire payer ses lecteurs? Qui se souvient de la réaction des professionnels du secteur, comme celle que nous venons d'entendre, qui décrète l'échec annoncé de ce nouveau média? C'était donc en 2008, quand les journaux se cherchaient face au bouleversement provoqué par la révolution numérique. Quasiment tous les grands titres livrent alors gratuitement leur information sur Internet. Et la profession s'interroge. Comment financer la fabrication de l'information si on ne compte plus sur la vente des journaux? Les revenus issus de la publicité peuvent-ils vraiment devenir un modèle viable? Et surtout, quelles en seraient les conséquences sur la ligne éditoriale? Mais ces interrogations vont bien au-delà du modèle Internet. Car au début des années 2000, le secteur de la presse connaît de nombreux bouleversements. D'abord, l'arrivée au capital de riches patrons. Le Figaro, déjà aux mains du groupe Dassault, avait été précurseur. Au fil des crises et des plans de redressement, Bernard Arnault, Patrick Drahi, Xavier Niel, Daniel Kretinsky s'emparent des principaux titres français. Malaise. Dans les locaux du quotidien Le Monde, la crise a déjà éclaté. D'abord avec le livre Fleuve de Pierre Péan et Philippe Cohen, qui éclabousse le trio Plenel, Colombani et Minc à la tête du quotidien. Crise de leadership, désaccord en haut lieu, arrivée du groupe Lagardère. Edoui Plenel, alors directeur de la rédaction, claque la porte. Il n'est d'accord sur rien. Ni sur l'entrée au capital de Lagardère à hauteur de 16%, une première qui compromet l'indépendance du quotidien, ni sur sa stratégie internet du titre. Ni même sur la stratégie choisie de s'associer à un certain Vincent Bolloré pour lancer un journal papier gratuit, autre phénomène du début des années 2000. Premier vaisseau amiral à se jeter à l'eau, Le Monde, qui va lancer Info Plus. Le titre sera distribué dans Paris à 250 000 exemplaires dès le 6 novembre prochain, grâce au soutien logistique et financier de Vincent Bolloré, l'homme d'affaires déjà à l'origine du lancement de Direct Soir. Le Monde se rend compte que c'est un secteur qui n'est pas passager, mais que beaucoup de gens ont envie d'avoir des journaux de qualité sans avoir besoin de les payer, ils peuvent être financés par la publicité. Il nous a semblé que Le Monde est le meilleur partenaire possible et notre groupe a les moyens d'aller financer deux journaux gratuits en sachant que ce sont des rentabilités à très long terme. Comme Edoui Plenel, d'autres journalistes s'interrogent. C'est le cas de Laurent Mauduit, lui aussi du Monde. Certains passages de son enquête sur la santé financière des caisses d'épargne ont été censurés. Le journaliste décide alors d'enquêter sur les raisons de cette censure et il découvre les liens qu'entretient Alain Minc, président du conseil de surveillance du Monde, avec les caisses d'épargne. Et là, il comprend qu'il fait face à ce qu'il appelle un capitalisme de barbichette. Le dirigeant du journal du soir a des intérêts auprès du groupe bancaire dont il est le conseiller et, de surcroît, il négocie pour faire entrer la caisse d'épargne au capital du Monde. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase arrive lorsque le service investigation du journal est supprimé et que son directeur, Jean-Marie Colombani, proclame la nouvelle ère de ce qu'on peut appeler un journalisme de validation. On y reviendra. Vers 2006, un petit groupe de journalistes se rassemble. Ils viennent du Monde, de Libération d'ailleurs, et constatent un étiolement de l'indépendance. Alors, ils se demandent comment faire en sorte qu'il reste au moins un titre échappant aux mains des milliardaires, et si ce titre, il fallait l'inventer. Ils sont quatre à se retrouver régulièrement chez les uns et chez les autres pour discuter d'un éventuel projet de journal. Aux côtés de Laurent Mauduit et d'Edouis Plenel, deux ex-journalistes de Libération, François Bonnet et Gérard Desportes les ont rejoints. Créer un média indépendant, bien sûr. Mais un quotidien papier, c'est 40 millions d'euros d'investissement au départ. Impossible d'être indépendant dans ces conditions. Alors, la solution Internet s'impose. Mais il n'existe aucun journal payant sur le web. Tout est gratuit, on l'a dit. Les projets qui émergent dans ces années-là, comme Rue 89, mis sur une rémunération au clic, autrement dit à la publicité. Un système qui paraît d'office dangereux au petit groupe, qui planche, lui, sur une autre formule. Un journal Internet payant pour ses lecteurs. Un modèle économique jamais testé. À ce stade, il faut donc trouver quelqu'un qui s'y connaît en montage financier. Et cette personne, c'est Marie-Hélène Smiejan, qui jusque-là a surtout officié à la tête de sociétés informatiques. C'est elle qui aura la lourde tâche d'imaginer des plans de financement pour le futur média. Et les estimations, les calculs et la viabilité du projet sont étudiés sous tous ces angles. L'équipe s'arrête sur une rédaction composée de 25 journalistes, ce qui demande de disposer d'un capital de départ compris entre 3 et 5 millions d'euros. Ainsi, il faudra recruter 50 000 lecteurs pour atteindre le seuil de rentabilité. Un joli pari, mais pas injouable. Car à la même époque, en 2007, Daniel Schneiderman se fait virer de France 5 avec son émission Arrêt sur image, et il décide de la poursuivre sur Internet avec un modèle payant. À son lancement, il annonce à la journaliste Colombe Schneck des chiffres plutôt rassurants. Vous dites, on continue le modèle d'Arrêt sur image. Arrêt sur image, vous avez beaucoup de moyens, les moyens de France 5. Aujourd'hui, vous avez quels moyens pour travailler? C'est très simple, uniquement les abonnements. Voilà. Donc ça fait combien, votre budget Si vous voulez, on a lancé la campagne d'abonnement en septembre. On va terminer l'année à une petite trentaine de milliers d'abonnés. Enfin, ce qui est pas mal. On va peut-être même passer la trentaine de milliers, ce qui est considérable. Ouais. Enfin, je veux dire, au début, tout le monde nous disait, tout le monde rigolait. Enfin, bon, on est à 30 000 abonnés, c'est très simple. Hein, à 25 euros en moyenne l'abonnement, ça veut dire qu'on va commencer l'année 2008 avec une trésorerie de 600 000 euros. Si vous voulez, ça nous fait de quoi passer l'année 2008 avec notre équipe actuelle, qui est une petite équipe. Il y a 6 permanents, plus moi. Voilà, on a de quoi entretenir cette équipe pendant l'année 2008. Mais pour Mediapart, avant de recruter des lecteurs, il reste tout à faire. Trouver le capital de départ et construire le récit. L'identité de ce nouveau média pensé par des journalistes aguerris, mais échaudés par leur expérience récente dans les grands titres de presse. Alors, ils veulent marquer le coup et créer un média à part, qui soit aussi un média participatif, d'où son nom, Mediapart. Et il sera le symbole de deux révolutions, celle de l'indépendance et celle de la révolution numérique. Sur le papier, l'ambition est grande, mais devant les financiers, elle ne pèse plus grand-chose. En faisant le tour de tout ce que la place de Paris compte d'investisseurs, Marie-Hélène Smiejan se heurte à leur incompréhension. On lui demande son benchmark, autrement dit une étude comparative avec des modèles existants sur le marché. Problème, il n'en existe encore aucun. On lui reproche aussi de parler plus d'indépendance que de rentabilité. Un fonds privé lui répond même que si un tel journal réussissait, on pourrait lui reprocher d'y avoir contribué. Mais surtout, personne n'a l'habitude d'investir d'aussi petites sommes. Car le groupe souhaite trouver plusieurs investisseurs prêts à miser 500 000 euros, histoire d'éviter la mainmise d'un seul financier sur le capital. Or, les fonds des marchés ont l'habitude de miser beaucoup plus gros. Marie-Hélène Siégeant le sait, le plus dur, c'est de rassembler le premier million. Une fois que des investisseurs ont montré leur intérêt, les suivants seront plus faciles à décrocher. Elle convainc alors son mari d'investir avec elle 500 000 euros, histoire d'amorcer la pompe, puis elle se tourne vers Jean-Louis Bouchard, PDG du groupe informatique Econom. Et si elle investit, veut-il bien la suivre? Eh bien oui. C'est donc avec un premier million qu'elle revient vers Edoui Plenel, qui à son tour décide d'embrayer en hypothéquant son appartement. À eux trois, ils ont donc 1,5 million, ils ont fait la moitié du chemin. À leur tour, les autres membres fondateurs vont investir leur indemnité de départ, de plus petites sommes bien sûr, mais qui permettront tout de même d'attirer un deuxième investisseur extérieur, Thierry Willem, à la tête de la société Doxa. Et pour compléter, le groupe décide de créer une société des amis de Mediapart, grâce à laquelle 88 amis donc vont mettre au pot des sommes de 500 à 100 000 euros, de quoi boucler le tour de table à minima. Voilà, Mediapart peut recruter maintenant ses 25 journalistes en leur assurant 2 ans de salaire, le temps d'éteindre l'équilibre, enfin si tout va bien. 2 décembre 2007, l'aventure commence avec la mise en ligne d'un pressite où les premiers articles sont en accès libre. Une manière de faire découvrir le contenu du journal avant son lancement officiel, prévu en mars de l'année suivante. François Bonnet, qui prend le rôle de directeur éditorial, vient présenter Mediapart sur France Inter. Le cœur de ce modèle, c'est l'abonnement. C'est l'abonnement parce que finalement, ce système rejoint notre projet éditorial, qui est finalement autour d'un projet à la fois participatif et d'information, de fédérer un public qui soit très motivé. Nous sommes quelques fondateurs à avoir mis nos économies, parfois nos emprunts, pour financer ça. Et puis, je dirais à cette équipe de fondateurs qui va contrôler environ 60% du capital, se sont adjoints quelques entrepreneurs, des gens qui essentiellement ont bien réussi sur le web et dans les nouvelles technologies, et qui sont venus, entre autres, à la fois parce qu'ils croyaient au projet journalistique qu'on essaye de développer, et qui croyaient également au temps du payant sur le web. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que je crois qu'il y a une espèce de vulgate un peu trop simple, qui consiste à dire que le web est par définition gratuit. Le web n'est pas gratuit, on achète plein de choses, on paye plein de choses. Et il y a bien un jour où il va falloir commencer peut-être à contribuer au financement des contenus. Proposer un contenu payant, de qualité, mais aussi et surtout profiter de l'espace que donne Internet pour interagir avec les lecteurs. Oui, leur laisser une existence qui ne se résume pas à des commentaires en queue d'article. Il faut profiter de cette interaction pour écrire plus librement, pour que les journalistes discutent avec les lecteurs, mais aussi en découvrant leurs propos dans les blogs qui sont mis à la disposition de chaque abonné. L'aspect participatif sera, dit Edoui Plenel, la deuxième jambe de Mediapart. Mais à ce stade, début 2008, les journalistes doivent surtout montrer ce dont ils sont capables pour convaincre les futurs abonnés et la profession. Dès le début, Mediapart adopte une ligne claire. Follow the money, autrement dit, suivez l'argent. Et les premières révélations sont tout de suite reprises par la presse. La journaliste Martine Orange dévoile ainsi les procès-verbaux d'audition du trader Jérôme Kerviel qui met en cause une société générale avide d'argent. Et puis, Laurent Mauduit remet au goût du jour son enquête sur les caisses d'épargne, en version cette fois non censurée. Un petit feuilleton pour étaler les révélations qui valent avant même son lancement officiel 11 procès à Mediapart. Mediapart fait l'objet de 10 plaintes de la part du groupe bancaire et d'une dernière de François Perrol lui-même. Il doit comparaître les 12 et 26 mai devant le tribunal correctionnel de Paris. Laurent Mauduit, l'un des rédacteurs en chef du site créé par Edoui Plenel. Mon sentiment, c'est que j'ai vraiment fait mon travail de journaliste, travail d'alerte. Bien sûr, en démocratie, et c'est normal, les citoyens peuvent porter plainte contre des journalistes pour diffamation, hein, et donc aux journalistes de témoigner de sa bonne foi. La seule chose, c'est que nous sommes là dans une circonstance un peu exceptionnelle. Il y a 11 plaintes en provenance d'une seule entreprise. On ne peut pas s'empêcher de penser que le petit moustique que nous sommes, tout petit journal indépendant qui essaie de se créer face à un immense empire financier, voilà, c'est manifeste un acharnement judiciaire qui est disproportionné, alors que une plainte pour prouver de la bonne foi des uns ou des autres aurait suffi. C'est ce qu'on appelle un départ en fanfare. À croire que la presse indépendante n'est pas la bienvenue. Et d'ailleurs, très vite, la petite équipe de journalistes qui a accepté de monter à bord du bateau Mediapart va se rendre compte que ces vagues de procès annoncent une mer déchaînée. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui Mediapart, l'indépendance en bandoulière. France Inter, Affaires Sensibles. Personnellement, je pars du principe que la situation de notre pays est d'autant plus délicate qu'il y a de grands groupes industriels engagés dans ce domaine de la presse. Et que c'est non pas de ce fait-là la garantie d'une compromission de la presse, mais cela rend sans doute plus difficile l'exercice de la liberté d'information. Nous en sommes à défendre l'indépendance de la presse. Parce que pour défendre le débat démocratique, nous avons besoin d'organes de presse libres, indépendants et économiquement solides. Voilà pourquoi je soutiens Mediapart. À l'image de Dominique de Villepin et d'Arnaud Montebourg, que vous venez d'entendre tour à tour, des politiques, des entrepreneurs, des personnalités de la culture et des médias acceptent de tourner une petite vidéo pour soutenir le lancement de Mediapart. Quand elle met en ligne le précis 3 mois avant le démarrage officiel et payant, l'équipe espérait embarquer 10 000 abonnés. En réalité, malgré le tapage, malgré les reprises de leurs révélations dans la presse, ils ne sont que 3 000 au rendez-vous. 10 fois moins qu'Arré sur image. Le coup est rude. Il n'empêche que certains journalistes ont quitté de grandes rédactions, des postes confortables, pour rejoindre Mediapart. D'autres sont de jeunes premiers qui doivent faire leurs preuves. Parce qu'ici, il y a tout à inventer. À commencer par convaincre de potentielles sources de se confier à ce nouveau média en ligne qu'ils ne connaissent pas. Puis pousser les révélations sans suivre l'agenda politique. Bien. Mais cela ne suffit pas. Les informations sorties par le site sont aussitôt reprises par les autres journaux mieux référencés que sur le web et Mediapart se fait dépouiller. Il faut dire que l'équipe de départ ne compte que 3 personnes à la technique et aucune au marketing pour les abonnements. Quasiment toutes les prestations sont externalisées. Mais pour que ça fonctionne, il faut produire de la bonne information et savoir la rendre visible. Alors, la rédaction qui fait figure de nain à côté des mastodontes de la place parisienne passe en mode commando. Presque pas d'hiérarchie, un journaliste un peu capé faisant office de tuteur pour 3-4 plus jeunes, et chacun creuse de son côté, quitte à ce que cela prenne plusieurs jours ou même plusieurs semaines avant de publier l'info. Il ne faut rien laisser au hasard, traquer et se faire connaître. Et Louis Plenel est sur tous les plateaux, il devient la figure de proue du site dans les médias, clamant dès qu'on lui en donne l'occasion, abonnez-vous. Quitte parfois à agacer dans le milieu journalistique. Parce qu'enfin, qui sont ces journalistes qui créent de toutes pièces un média et qui viennent donner des leçons de déontologie au reste de la profession? Nicolas Beau, qui au même moment a fondé le journal satirique Bakchich, qui ne survivra pas lui. S'agace au micro de Colomb Schlenk. Il ne faut pas faire preuve de trop de messianisme dans ces sites qui, pour l'instant, d'abord, n'ont pas de viabilité économique, hein, aucune. Et des journalistes indépendants, il y en a partout, il n'y en a pas plus dans ces sites. Bon, je ne ferai pas de polémique en disant que Louis Plenel, qui a travaillé avec Jean-Marie Colombani à la main, a dirigé un journal, donc maintenant qui se dresse comme le pionnier de la nouvelle presse, ça fait un petit peu sourire. Bon, mais ça, c'est pas... On apprend à tout âge, absolument. Mais enfin, bon, de la modestie, il y a des bons journalistes indépendants partout. Et je vais prendre l'exemple des radios libres. En 80, quand des radios libres, on a dit. Bon, et ben les radios libres, aujourd'hui, l'information, elle se fait où? Elle se fait ici, à France Inter, elle se fait à Europe, elle se fait... Bon, elle se fait pas dans les radios libres. Et nos sites indépendants... entre guillemets indépendant, et ben je sais pas, peut-être dans un an on fera de la conso, du people, parce que malheureusement aujourd'hui, je dis malheureusement, notre site, on a fait 38 milliards de visites à cause de cette histoire de demande en mariage de Sarko à Carla Bruni. Donc aujourd'hui, on ne sait pas sur quoi ces sites vont pouvoir réussir. Mais même les fondateurs des sites d'information sur le net, comme Nicolas Beau, semblent avoir du mal à croire à la réussite de leur propre entreprise. Un comble. Mais l'équipe de Mediapart, elle, veut y croire et innove en utilisant les ressorts du web, comme la création de la boîte noire pour raconter aux lecteurs les dessous d'une enquête en fin d'article, partager les droits de réponse ou des informations complémentaires. Les vidéos, le partage de bandes sonores agrémentent de plus en plus les articles. Ils veulent prouver que la richesse d'Internet permet de proposer un meilleur journalisme. Mais un an après le démarrage du site, les fondateurs sont inquiets. Les abonnements ne décollent pas. Les réserves fondent plus vite que prévu. Et pourtant, ils sentent qu'ils sont sur la bonne voie. Marie-Hélène Smiéjean décide alors de lancer une deuxième levée de fonds et parvient cette fois à récolter 2 millions d'euros. Mais en mars 2010, les comptes virent de nouveau au rouge. Et sauf miracle, Mediapart n'aura plus de quoi se payer ses salaires à partir du mois de septembre. Les investisseurs sont sollicités une troisième fois, qui pourrait bien être la dernière. Sauf que le miracle arrive, oui, sous la forme de fichiers sonores. Il se trouve que des enregistrements captés par le majordome de Liliane Bettencourt révèlent la teneur de ses échanges avec son gestionnaire de fortune. Et j'ai fait venir le ministre Éric Woerth. Lui, il est très sympathique et c'est notre ministre du budget. Et en plus, c'est lui qui s'occupe de vos impôts, donc je trouve que c'était pas idiot. Des enregistrements proposés à d'autres grandes rédactions nationales qui n'en ont pas voulu. Le détenteur de ces fichiers se tourne alors vers ce petit journal d'investigation dont on entend de plus en plus parler, Mediapart. Il leur remet des heures et des heures d'enregistrement que les journalistes Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme épluchent consciencieusement, jusqu'à ce qu'ils dénichent l'information qui capte leur attention. La femme la plus riche de France en fraude le fisc à grande échelle. Cette fois, c'est le scoop, un vrai belle lampe de rancement. Alors, jour après jour, les journalistes de Mediapart suivent l'évolution des abonnements sur une page dédiée du site en interne. Et soudain, ils voient affluer des centaines, puis des milliers de nouveaux abonnés, 20 000 en quelques semaines, exactement ce qu'il leur fallait pour atteindre leur seuil de rentabilité. Le travail a fini par arriver. Maintenant, un autre défi attend la rédaction, conserver ses abonnés. Et pour le directeur éditorial François Bonnet, c'est simple. Il faut renforcer l'équipe pour offrir toujours plus de contenu. Désormais, à chaque nouveau palier d'abonnés, de nouvelles recrues débarquent à la rédaction, mais aussi au marketing et à la technique. Soit 1 million d'euros injectés chaque année. Et il est clair que chaque révélation de Mediapart ajoute du crédit au journal, qui commence à recevoir spontanément des infos de la part de tous ceux qui trouvent un traitement approprié aux affaires financières qu'ils veulent dénoncer. L'équipe s'organise alors pour y répondre et surtout apprend à encaisser les coups. Dans les années 2010, une affaire secoue le milieu politique au pouvoir. C'est l'affaire Karachi, soulevée par les Fabrice de Mediapart, Lhomme et Arfi. Le site documente les rebondissements de cette affaire à tiroir sur laquelle pèsent alors de lourds soupçons de corruption et de financement politique occulte. L'occasion pour Nicolas Sarkozy et son entourage de s'en prendre ouvertement à Mediapart. C'est une infamie quand je pense qu'il y a des journalistes qui osent donner du crédit au fils Kadhafi, au service secret de M. Kadhafi. C'est un montage. Un montage de... Quand vous pensez... Oh bah, d'abord, Mediapart est coutumier de mensonges. Mediapart, c'est quoi? C'est une officine. Vous le savez très bien, au service de qui? De la gauche. Sous-entendu, la gauche sera épargnée par Mediapart. Erreur. L'arrivée au pouvoir de François Hollande va vite le prouver. Et encore une fois, ce sont des enregistrements qui vont provoquer une déflagration. Des messages vocaux et des textos qui révèlent l'existence de comptes cachés en Suisse par le ministre du Budget. Pour parler clair, le premier contrôleur d'impôts en France planquait son fric à l'étranger pour échapper à l'impôt. Un morceau de choix. Et surprise, si cette révélation s'accompagne d'un silence assourdissant des politiques au pouvoir, sévèrement gênés aux entournures, à commencer par le président de la République, voilà que dans la sphère journalistique, Mediapart est attaqué également. Beaucoup de confrères et de consoeurs ne croient pas à cette révélation, préférant peut-être s'appuyer sur les déclarations de Jérôme Cahuzac, qui, les yeux dans les yeux, déclare sur BFM que les informations du site ne sont qu'un tissu de mensonges. À l'image de ce que le journaliste Jean-Michel Apathy déclare le 3 avril 2013 sur France 5. Quand on dit « Monsieur X a un compte en Suisse », on apporte la preuve irréfutable qu'il a un compte en Suisse. C'est un fait. Avoir un compte en Suisse, c'est pas quelque chose qui se discute. Si on l'affirme publiquement, on a un élément de preuve qui ne laisse la place à aucune polémique. Mediapart n'a rien. Mediapart apporte un enregistrement. Quand on l'écoute, on sait pas si c'est Donald ou Cahuzac qui parle. Donc, Mediapart ne dit rien. Et si le journaliste dit quelque chose, eh bien, il est certain de ce qu'il avance. Visiblement, Mediapart n'est pas certain de ce qu'il avance. Mediapart fait le pari. Oui. Que Cahuzac a un compte en Suisse. Moi, je pense, j'aime le journalisme. Ça fait 25 ans que je fais ça, j'aime ça. Je pense que ça n'est pas du journalisme. D'accord. C'est pas le loto, le journalisme. Des semaines s'écoulent avant qu'enfin Jérôme Cahuzac ne craque devant les juges. Oui, il détient bien un compte en Suisse depuis les années 90. Oui, Mediapart avait raison. C'est d'ailleurs cet épisode et ces révélations qui provoquent la naissance et du parquet national financier et de la refonte de la haute autorité de transparence de la vie publique. La ligne éditoriale choisie au lancement du journal 5 ans auparavant est intacte, indépendance, investigation, impact. Les politiques désormais et les journalistes sauront s'en souvenir. Au fil des ans, le nombre d'abonnés à Mediapart poursuit son ascension. 50 000, 70 000, 150 000. Et la rédaction s'étoffe, elle aussi. Mais du côté des journalistes, le fonctionnement reste encore très horizontal, sans hiérarchie superflue. On s'entraide, on se fait confiance, et chacun travaille à son rythme, mais en gardant toujours à l'esprit d'où on vient. Ils sont partis de rien, ces journalistes. Le mode commando a fait leur force. D'ailleurs, pour les derniers arrivés, la pression de l'ambition éditoriale est rude, parfois. De toute façon, par définition, le journalisme libre est plus périlleux que le journalisme de validation. Et certains craquent. Avec un temps de retard, la petite rédaction, qui a bien grandi, doit penser à s'organiser autrement, comme une rédaction plus classique, sans en adopter les lourdeurs, pour que chacun, quelle que soit son expérience, puisse s'exprimer et proposer une nouvelle manière de pratiquer le métier. Un atout qui permet au site, lorsque les premiers témoignages de violences sexistes et sexuelles leur parviennent, de les traiter le plus minutieusement possible. Comme celui-là, en l'occurrence, le témoignage de Sandrine Rousseau. À un moment donné, je m'arrête pour aller aux toilettes et sur le chemin des toilettes dans le couloir qui longeait la salle, Denis Baupin me plaque contre le mur en me prenant par la poitrine et cherche à m'embrasser de force. Et ensuite, vous réintégrez la salle. Mais ensuite, c'est... Parce que ensuite, là, déjà, comment est-ce que plus dur c'est-à-dire que, ensuite... réaction sur le moment, pardon, déjà... Ah ben, je repousse violemment, je suis sidérée, je comprends pas ce qui se passe, je comprends même pas que ça puisse se passer, et je retourne à la tribune, et en plus, je dois réanimer immédiatement cette réunion, donc je suis dans une situation, j'en parle très vite à la personne qui est à côté de moi, en lui disant je comprends pas ce qui vient de se passer. Voilà. C'était apparemment un membre de la direction du parti de l'époque, et sa réaction, quelle est-elle ? Ah non, il a recommencé. Nous sommes en 2016, lorsque l'affaire Denis Baupin éclate. Plusieurs femmes, membres du Parti écologiste, dont Sandrine Rousseau donc, accusent les députés de harcèlement sexuel. C'est la première fois que Mediapart va relayer une accusation sans qu'aucune démarche judiciaire n'ait été entamée. Pour cette enquête, les journalistes Lénaïque Bredou et Marine Turki s'associent à France Inter, où Cyril Graziani mène les mêmes recherches. Un travail qui leur demande des heures de discussion pour élaborer un protocole inattaquable, qui ne se contente pas d'afficher une parole contre une autre parole. Pour ce premier cas, avec Edoui Plenel, les journalistes fixent l'objectif d'identifier 10 victimes, dont 5 au moins acceptent de témoigner en leur nom, et 3 en cas de procès, même si elles restent anonymes dans les articles. Finalement, il y en aura un peu moins, mais les contours de ce type d'enquête se dessinent et vont évoluer sans cesse au fil des ans. Devant l'ampleur de la vague MeToo, Lénaïque Bredoux, désormais co-directrice éditoriale de Mediapart, prend aussi la casquette de gender editor. Autrement dit, elle veille à l'équilibre entre la prise de parole masculine et féminine dans les colonnes du journal et instaure une charte de l'écriture inclusive. 2019, le chemin parcouru en 11 ans a de quoi satisfaire l'équipe. Le nombre d'abonnés est en constante progression, les comptes sont ouverts, et mieux que ça même. Le taux de rentabilité de 16% est aussi bon que celui de l'industrie du luxe. À la main, peut aller se rhabiller. Mais il reste un objet de préoccupation pour les fondateurs. Comment assurer l'indépendance de Mediapart à long terme, une fois que les créateurs auront passé la main ? Accompagné d'avocats, c'est en regardant du côté de Londres, où le quotidien historique The Guardian est protégé par le Scott Trust, une fondation qui assure son indépendance. C'est là que la solution apparaît. Il faut que le capital soit détenu par un fonds de dotation. Ainsi, il ne peut tomber ni aux mains d'un prédateur, ni d'un milliardaire qui cherche une danseuse. Échaudé par leurs relations passées avec Bercy, pas toujours au beau fixe, notamment à cause d'une lutte menée au début de leur existence pour obtenir le même taux de TVA que la presse papier, Mediapart fait valider son schéma par les impôts. Une fois acté, le modèle est créé, et désormais, c'est le fonds pour une presse libre qui détiendra le capital de Mediapart, comme l'expliquait Louis Plenel au micro de Sonia De Villers. Nous avons voulu à la fois faire trois choses, je résume, trois choses. Premièrement, sanctuariser le capital, le rendre incessible, non spéculable, inviolable, le mettre dans un coffre-fort. Deuxième objectif, trouver une structure où on peut faire remonter des réserves qui sont là, en cas de soucis, de malheur, uniquement pour aider Mediapart, sans enjeu de pouvoir, sans enjeu éditorial. Et troisièmement, à partir du succès de Mediapart, faire quelque chose à nouveau utile à tout le monde. Un coffre-fort pour assurer l'indépendance de Mediapart, des réserves pour faire face aux moments difficiles. Depuis sa création, le Fonds pour une presse libre a versé 500 000 euros à 28 médias indépendants pour justement soutenir leur indépendance. Aujourd'hui, Mediapart compte 135 salariés, 220 000 abonnés. La plupart des membres fondateurs se sont retirés, certains faisant cadeau de tout ou partie de leur apport au capital. Reste Edoui Plenel, le dernier, qui 16 ans après la création d'un média devenu incontournable en France et au-delà, s'apprête lui aussi à tirer sa révérence dans quelques semaines. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Mediapart. Notre invité est Edoui Plenel. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Mediapart, actuel directeur de la publication. Si vous permettez, on va commencer l'interview par cette révélation de la fin du récit. Vous vous apprêtez à passer la main, ce sera effectif quand ? À la mi-mars, rendez-vous exactement le 14 mars et le surlendemain le 16 mars au 104 à Paris où on fêtera tout ça. C'est normal, c'est un passage de témoin en bon ordre. Vous savez, le miracle de Mediapart, c'est que l'équipe, pour l'essentiel, elle a entre 25 et 45 ans, j'en ai 71, donc... Il est normal que ça vive indépendamment de nous, mais je continuerai à écrire dans Mediapart, je continuerai à être présent par ma plume, mais je ne serai pas le responsable juridique, le patron de l'entreprise. Vous connaîtrez le nom de mon ou de ma successrice, on va laisser le suspense, à la mi-mars. Bon, bah, très bien, je ne pose pas la question alors, parce que ça sera mi-mars. On ne peut pas le savoir aujourd'hui, c'est clair. Non. Bon. Comment analysez-vous la réaction des milieux intellectuels et surtout de la presse lors de la création Mediapart ? On a entendu à la main que Jean-Michel Apathy, Nicolas Beau n'y croyaient pas et le disaient avec un certain mépris d'ailleurs. C'était quoi ? C'était de la jalousie, de la défiance ? Comment vous avez analysé ça ? Il y a des milieux de pouvoir, s'agissant d'Alain Minc n'aime pas l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs, qu'ils soient économiques ou politiques. J'ai pu le constater quand je l'ai croisé au Monde, et il faisait partie de ceux qui, à partir du moment où on m'avait éjecté par la porte, il n'était pas question que je revienne par la fenêtre. Donc il y avait... son dernier livre s'appelle d'ailleurs « Dictionnaire amoureux du pouvoir ». Oui, c'est le voilà. Dictionnaire que tu es amoureux, oui, peut-être. Mais il défend le pouvoir. Il défend le pouvoir et pas, il n'est pas du côté de la souveraineté. Souveraineté populaire, j'allais dire. Et puis, bon, il y a non pas des jalousies, mais je pense que il y a cette question de l'indépendance. Vous avez dit Mediapart, ça veut dire participatif et aussi être à part. Vous savez, quand vous montrez votre indépendance, y compris ça concerne la gauche, ça concerne la droite, ça concerne toutes sortes de milieux, dans toutes sortes d'affaires, eh bien, au bout d'un moment, vous devenez insaisissable. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas qu'on soit insaisissable. Donc nous, on rencontre de notre travail, comme vous l'avez très bien raconté, on rencontre de nos vérités de fait, comme j'aime dire, et puis on échappe. J'ai beaucoup aimé que vous ayez mis... mauvaise réputation de Georges. Ah oui, pour moi, c'est la chanson manifeste du journalisme que je défends. Voilà, les braves gens n'aiment pas que... Parfois, il y a, y compris dans notre profession, on va le dire clairement, il y a parfois des journalistes qui n'aiment pas la liberté des journalistes. Alors, justement, lorsque je vous ai reçu en 2019 pour l'affaire des Irlandais de Vincennes, du journalisme, vous me disiez ceci. Nous nous sommes heurtés à ce que j'ai coutume d'appeler depuis le journalisme de gouvernement. C'est-à-dire le journalisme qui prend au pied de la lettre, comme une vérité de fait, que ce n'est pas, les déclarations des pouvoirs. Ce que disent les pouvoirs, leur relais, que ce soit des pouvoirs politiques, des pouvoirs policiers, des pouvoirs économiques. Pensée toujours d'actualité, j'imagine. Oui, bien sûr, et vous avez employé ce mot quand on dit journaliste d'impact, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans toutes sortes d'affaires, en révélant des faits avant même que la justice ou que d'autres institutions les connaissent, c'est d'être au service, au fond, du droit de savoir des citoyens. Prenez le dernier feuilleton de Mediapart, qui n'est pas la question d'une personne, Madame Oudéa Castéra, éphémère ministre de l'Éducation. Bon, elle devient ministre de l'Éducation nationale, on révèle que ses trois enfants ont été mis dans un établissement privé, catholique, très traditionnel, et puis elle ment, et du coup on continue notre travail, la culture de commando collectif de Mediapart, et puis on découvre un rapport sur cet établissement qui pose plein de problèmes, il ne remplit pas le contrat qu'il a fait avec l'État, du sexisme, de l'homophobie, de l'autoritarisme, et puis de fil en aiguille on découvre un contournement de Parcoursup, un séparatisme social, le choix de la non-mixité, alors que la ministre est en charge des questions de discrimination de genre ou de sexe. Bon, ben voilà, on a mis sur la table, quelles que soient vos sensibilités, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec tel ou tel point de vue de Mediapart, mais les faits qui ont été révélés là concernent tous les parents d'élèves, tous les enseignants de tout milieu, y compris les enseignants des établissements privés sous contrat. C'est ça, le journaliste que nous défendons, et je pense que c'est utile qu'il y ait parfois, grâce à l'écosystème de Mediapart, des médias, j'allais dire, qui le défendent le plus radicalement possible. Ça aide tout le monde. Ça aide les journalistes du service public à aussi mener des batailles pour leur indépendance si le pouvoir politique voulait faire pression. Ça aide des journalistes à se battre contre des propriétaires à l'intérieur des rédactions. Bref, Mediapart ne veut pas donner de leçons. Il veut plutôt, entraîner qu'il y a une sorte de dynamique de ce succès et ça peut être contagieux, ça donne du courage à tout le monde. Oui, il y a ceux aussi qui disent que vous êtes à l'affût, comme un ayatollah, donneur de leçons. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que ça se dit beaucoup. Oui, ça se dit. Ceux qui pensent qu'on a une sorte de on fait des coches sur un revolver, qu'on aurait des cibles. Non, je crois qu'on a une seule boussole qui est l'intérêt public. Est-ce que c'est d'intérêt public? C'est toutes les questions qu'on se pose à chaque fois. On ne cible pas des camps, des personnes. On ne s'intéresse pas à la vie privée, on n'est pas des professeurs de morale. On regarde si ce sont des questions d'intérêt public. Prenez les 15 ans de Mediapart, de l'évasion fiscale aux violences sexistes et sexuelles, la corruption, et on pourrait étendre aujourd'hui sur l'écologie, sur toutes sortes de domaines. C'est l'intérêt public. Est-ce que c'est d'intérêt public? Après, la société s'en empare ou pas, les politiques s'en emparent ou pas, mais c'est cela que nous voulons faire. J'entends, hein, je sais, et souvent nos détracteurs disent cela, ils sont dans le commentaire. Comme je dis, jugez-nous sur nos actes, sur ce que nous révélons. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que cette révélation n'était pas utile? Je dis souvent, sans, c'est un de nos slogans, sans Mediapart, vous ne l'auriez pas su. C'est utile de savoir ce qu'on fait de nos impôts, ce qu'on fait en notre nom. Et ce qui me désole, je vais vous dire, dans le débat public français, bien sûr que ça dérange, bien sûr que ça bouscule, bien sûr que ça fait mal même parfois, et nous avons une responsabilité, nos révélations peuvent blesser des personnes. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que ne soit pas plus présent, y compris de manière dans un fair play de la part du discours politique, de dire, ben oui, il nous dérange Mediapart. Mais heureusement qu'ils existent. C'est utile. Vous savez, soyons pas hypocrites, quand les gens de droite voient des révélations sur Mediapart qui embêtent la gauche, ils en sont ravis. Ils sont contents. Et inversement. Oui, donc, c'est une question de culture démocratique. La démocratie, c'est ça. Vous savez, c'est très très vieux, vous disiez, le journalisme. J'ai souvent cité, il y a très longtemps, Albert Londres n'était pas du tout un journaliste dissident, était la vedette, hein, on en fait le prix Albert Londres dans les années 20. Et c'est lui qui disait, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Oui. C'est pas une image très sympathique, hein, porter la plume dans la plaie. Mais c'est ce qui fait réveiller une société, qui l'amène à s'interroger, à se dire, mais bon sang, j'aurais pas cru. Bah bien sûr, j'aurais pas cru. Ah bah si on n'a pas cru, bah, regardez Cahuzac, j'ai bien aimé que vous racontiez ça. Quatre mois de bataille contre un mensonge politique redoublé par l'indifférence, voire le discrédit médiatique. 4 mois de bataille, grâce à l'indépendance, Mediapart a tenu. Et ça a permis quoi ? Ben, ça a permis de faire comprendre, d'où le parquet financier, ça a permis de comprendre le danger d'une politique qui se laisse aller au poids de l'argent, ne soit pas éthique, où les actes contredisent les discours. Donc c'est utile. France Inter. Affaires sensibles. Edwige Plenel, Mediapart est l'un des rares médias à laisser autant de place à ses abonnés par l'intermédiaire des commentaires, des blogs et de l'exploitation qui est faite de ses productions de la part de lecteurs, notamment les mettant en avant sur votre site. En quoi le côté participatif est-il une qualité pour l'information selon vous ? Une valeur ajoutée ? Tout simplement, je crois qu'un des effets démocratiques de la révolution numérique, et contrairement à l'image que donne le tout venant des réseaux sociaux, c'est que nous sommes descendus de notre estrade. On n'est plus au-dessus de notre public. Et d'une certaine manière, le média qui sait ça depuis toujours, c'est la radio. Pour moi qui venais de la presse écrite, de la presse papier, grâce au numérique, j'ai découvert ce que vous connaissez depuis très longtemps en tant que journaliste de radio, c'est-à-dire ce lien avec le lecteur et le fait que le lecteur, il a son mot à dire. Vous apportez des faits, après le débat est là, il y a une agora, il y a des discussions, il y a des alertes. Le club de Mediapart, c'est à la fois un lieu où il y a toutes sortes de textes qui enrichissent la réflexion sur le présent, mais il y a des textes d'historiens, il y a des alertes, il y a des débats qui se nouent, y compris parfois dans le partage de notre public. Prenez un événement comme le massacre commis par le Hamas, puis ensuite la riposte également terrifiante et à une toute autre échelle d'Israël à Gaza. Eh bien, il y a des sensibilités différentes dans notre public. Tout le monde est d'accord sur le fait que tous ces faits sont dramatiques, mais en même temps, tout le monde ne réagit pas pareil. Donc, pour moi, ça crée de la confiance. Au fond, c'est ça la clé. La clé, c'est que on rend compte, on doit s'expliquer, on doit écouter, et du coup, on doit, nous, journalistes, comprendre qu'en fait, quand on dit souvent le public n'a plus confiance dans la presse, dans les médias, eh bien, c'est à nous de redonner confiance. Et vous craignez pas, en puisant dans les motivations, les avis de vos lecteurs, de faire un journalisme de la demande plutôt qu'un journalisme de l'offre ? Non, c'est pas du tout le principe. Le principe n'est pas que nous serions en train de regarder ce que les lecteurs veulent. Nous, on fait notre travail, on fait un journal, il y a un journal, et je l'ai toujours appelé un journal, pas un site. Ça veut dire qu'il a une hiérarchie. Il faut pas oublier que quand on se lance, à l'époque, tous les sites des journaux, c'est comme des blogs, c'est empilé. Nous, il y a une hiérarchie, il y a des unes, il y a 3 éditions par jour, il y a des choix que nous faisons, que nous assumons et que nous avons dépliés, évidemment, plus le journal s'est développé sur tous les sujets et dans tous les domaines. Et puis, à côté, il y a un public qui suit, qui discute, qui complète, qui interpelle, mais ce n'est pas, comment dire, un usage démagogique, où on aimerait faire le journal qui plairait à nos lecteurs. Non, je pense même qu'un bon journal, c'est parfois un journal qui bouscule ses lecteurs. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, cette question d'indépendance, elle est centrale, évidemment, dans la démarche que vous avez eue avec les autres fondateurs de Mediapart. Est-elle vraiment garantie par le système de fonds de dotation, le fonds pour une presse libre que vous avez instauré ? C'est intéressant, vous l'avez expliqué à la fin du récit, je voudrais y revenir quand même. Oui, ben ce fonds est une invention nouvelle, donc il faut continuer à le renforcer. Donc, comme vous l'avez rappelé, grâce aux dons qu'il reçoit de tous celles et ceux qui veulent aider la presse indépendante, cet argent va à d'autres, pas à Mediapart. Mediapart doit, lui, en revanche, garantir le fonctionnement de ce fonds. Alors ce fonds, nous, pour garantir l'indépendance de Mediapart, l'essentiel, c'est de constituer des réserves. Là, avec, nous n'avons aucun endettement, nous allons commencer cette année à mettre un peu d'argent dans ce coffre-fort. On va révéler tout ça en mars prochain, avec, comme on le fait chaque année, avec nos résultats de l'année passée. Je crois vraiment que cette structure est garantie totalement que personne de l'extérieur ne peut venir intervenir sur Mediapart, et que même s'il y a un jour quelques difficultés, ça pourrait arriver, eh bien que ça ne crée pas une crise, c'est-à-dire que ça permet de voir venir. C'est un peu les leçons que nous avons tirées, pour dire les choses le plus simplement. Il y avait deux journaux qui étaient totalement contrôlés par leurs salariés, qui étaient Le Monde et Libération. Ils ont perdu cette indépendance économique. Donc nous avons réfléchi, nous qui en venions, à comment créer un autre système qui fait que, en cas de difficulté économique, ça ne crée pas une crise interne qui permet à un prédateur, les différents milliardaires dont vous avez parlé. Donc, bien sûr que le bilan, ce sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je pourrais vous dire que c'était vraiment la bonne solution, mais je pense qu'aujourd'hui même, c'est la garantie, comme je le dis, Mediapart n'a plus d'actionnaires. Bien sûr qu'il a le fonds pour une presse libre, mais c'est une structure non lucrative. Il n'y a pas une personne qui contrôlerait, et le FPL ne se mêle pas de Mediapart. Mediapart fait son travail. Par ailleurs, vous l'avez dit, depuis 11 ans, Mediapart est une structure éminemment rentable, profitable. Encore les résultats que nous allons publier en mars prochain sur l'année passée. Nous avons augmenté notre chiffre d'affaires, augmenté notre résultat grâce, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, abonnez-vous. C'est ce qui garantit la pérennité de Mediapart. Alors aujourd'hui, Mediapart, c'est 135 salariés, 220 000 abonnés. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint quand même un plafond de verre? C'est pas la peine de se grossir encore. Alors ce débat est récurrent à Mediapart. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de plafond de verre. D'ailleurs, d'une certaine manière, on le voit depuis la fin de l'année dernière et le début de cette année. Quand à un moment, le journal se met en bon ordre, comme on l'a fait autour des événements internationaux et de la loi immigration en politique intérieure, du coup il y a une dynamique vertueuse, d'où le feuilleton Oudéa Castéra, d'où d'autres événements. Ce soir, nous faisons un grand événement autour de nos révélations MeToo sur le cinéma, puisque nous avons été à l'origine de tout cela avec Adèle Haenel. Et donc je crois qu'il y a des dynamiques où, au fond, c'est la question de la valeur. C'était votre point de départ. Pourquoi faire un journal sur abonnement? C'est pas seulement l'idée du modèle économique et d'être indépendant parce que seuls nos lecteurs nous financent. C'est aussi réhabiliter la valeur de notre travail, son utilité démocratique, la valeur démocratique, la valeur d'un métier, la valeur d'une profession, la valeur d'une information et la valeur de la vitalité de la démocratie. Et donc si on fait ça, moi je suis de ceux qui pensent que demain, après-demain, Mediapart peut être à 250 000, un jour à 300 000. Vous savez qu'en 15 ans, 16 ans, Mediapart est aujourd'hui, sur le critère des abonnements numériques, qui sont le seul critère valable, aujourd'hui par rapport à ce qu'est la presse quotidienne papier, le troisième quotidien français généraliste, derrière Le Monde et Le Figaro. Le Figaro a été créé au 19e siècle, Le Monde en 1944. Donc, un jour, peut-être, ce sera Mediapart qui sera le premier. Et ce sera le mot de la fin, Edoui Planel. Merci. Au revoir. Affaires sensibles aujourd'hui, l'histoire de Mediapart, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Raphaël Rousseau.